Alors, ils sont là tous les deux. Ils vont allumer les micros. Ils vont se mettre devant chacun d'eux, là, les micros, les enfants. Et ce soir, discussion entre Gérard de Suresnes, qui est venu ce soir. Bonsoir Gérard. Bonsoir Max, bonsoir Fielder, bonsoir Manu, bonsoir Anka. Et il est de retour après 6 à 9 mois. Il nous était venu une fois comme ça, du ciel, pour nous parler du Touring de Grande-Bretagne. C'est son grand retour. Bruno, bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir Anka. Anka, oh, je finirai par m'y habituer. Hein. Et bonsoir bonsoir Manu. Manu. Bonsoir Bruno. Et il en manque un. Bonsoir. Merci. Fielder. Gérard. Fielder. Le crapaud, Fildar, là. J'ai oublié. Excusez-moi, j'avais certainement la tête ailleurs. Comment vas-tu, Bruno? Ben moi ça va. Donc Max, je suis revenu de Touring de Grande-Bretagne. Alors c'est quoi Touring de Grande-Bretagne? Touring de Grande-Bretagne, c'est quelque chose qui est pas ordinaire. C'est un touring non pas de 3 semaines comme le Tour de France et puis on n'en parle plus et puis c'est terminé. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Eh bien, un touring de Grande-Bretagne, c'est savoir tout faire, manier la caméra numérique, savoir cadrer, savoir se prendre, savoir assumer les problèmes, réparer le vélo, savoir avoir de l'intuition au moins à 50%. Et éviter les problèmes au moment où il faut et quand il faut. Gérard, est-ce que tu te sentirais capable, toi, de faire un touring de Grande-Bretagne? Non. Non, parce que déjà, d'après ce que j'ai compris, il faut avoir du moral d'acier. N'est-ce pas? Ah, tout à fait exact, Gérard. Il y a des moments où ça va pas comme je le voudrais, quoi. Il y a beaucoup de problèmes pendant un touring de Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a les agressions que je rencontre. Il y a la délinquance en Grande-Bretagne parce qu'il y en a plus qu'en France. Hein. Justement, la délinquance, ça sera peut-être le sujet qu'abordera Gérard le 28 décembre, qui nous fera l'honneur de revenir pour un dernier débat de l'année, un débat sur la délinquance. Pour ça, on va sûrement en parler d'ici la fin de l'année, mais de toute manière, je pense que en Grande-Bretagne, tu dis qu'il y en a plus qu'en France, mais c'est l'équivalent de la Grande-Bretagne aussi. Oui, Gérard, oui, c'est tout à fait exact. Pas de la Grande-Bretagne, je veux dire New York. Ah, New York, évidemment, New York, c'est plus grand, évidemment, New York, il y a beaucoup, beaucoup plus de délinquance qu'en Grande-Bretagne, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, hein, rien à voir. Hein. Non, parce que je crois que bon, ils en parlent pas trop beaucoup de la Grande-Bretagne, à part les intempéries qu'il y a à l'heure actuelle, mais ils parlent pas mal de New York sur la délinquance. Donc est-ce que toi, du temps que t'es parti là, durant les 6-7 mois, je sais plus exactement, est-ce que t'as eu l'occasion de subir des agressions ou pas? Oui, j'ai suivi des agressions, mais bon, on va pas énumérer tout parce que ça serait trop long et puis on n'aurait pas assez le temps à Fun Radio. Mais disons que bon, l'un dans l'autre, je me suis quand même débrouillé, Gérard, tu vois. Non, mais le principal, c'est que t'as pu visiter du pays, donc c'est déjà pas mal. Mais est-ce que tu le reconseilles? Est-ce que tu le conseilles à d'autres personnes que toi, personnellement? Est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi qui seraient capables de le faire? Oh, avec la modestie, oui, je pense qu'ils seraient capables autant que moi. La seule différence, c'est que moi, ça fait très très longtemps que je fais ça. J'ai voyagé dans toute la France avant de voyager en Grande-Bretagne pendant 13 ans. J'ai voyagé dans toute la France, j'étais en Suisse, enfin j'étais partout, dans tous les coins de la France. Donc ça fait quand même 30 ans hein, que je fais que ça. Mais est-ce qu'il y a un sponsor qui est derrière toi pour faire ça quand même? Parce que tu pars comme ça, c'est un sujet c'est pas un sujet qu'on va aborder. Mais toi, tu pars comme ça à la veuglette, mais tu pars avec quoi exactement au départ? Eh ben, au départ, c'est-à-dire que bon, ça se passe comme ça. Avec toutes mes pensions, à ma baraque là-bas, je dépense pas un centime, pas d'électricité, rien. Et je place, j'ai calculé, je place, mettons, 300 000 tous les mois et je mange avec 500 francs me débrouillant bien. Je place 300 000 tous les mois et au bout de 8 mois, ben, ça me fait un petit magot. 3 fois 8, 24, ça fait 2 millions 4 à peu près. C'est ça, tout à fait exact. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer un machin. C'est que pendant les 6 mois qui s'écoulent en Grande-Bretagne, eh bien, je touche pas mes pensions. Elles sont virées à la poste et alors ça s'entasse, ça s'entasse. C'est pour ça. Le décalage, parce que j'ai pas les décalages horaires. Il y a un décalage de combien par rapport à Paris? Quand tu as eu l'occasion d'avoir Max sur l'Angleterre, est-ce que il y a un décalage horaire par rapport à nous? Vous là-bas, quand tu as appelé Max, je crois que c'est en mois de juin ou juillet. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein? Il y avait un décalage d'horaire de combien par rapport à nous ici à Paris? Ah, tu veux dire question heure? Oui. Eh bien, disons, enfin, j'ai peur de me tromper, hein, tant pis pour moi. Je pense qu'il y a quand même, je sais pas, il y a peut-être une heure de décalage par rapport à l'heure en France. Ah, c'est énorme. Par rapport à nous? Oui, tout à fait. Donc, oui. Là, admettons, il est 23h20, 23h25, donc pour vous là-bas, il est 22h25 alors? Oui, quelque chose de ce machin-là, oui, tout à fait exact. Ok, très bien. Donc dans un instant, nous allons revenir dans cette conversation qui apparemment a l'air de plutôt bien se dérouler, parce que ce sont deux personnes qui ne se connaissaient absolument pas. Vous allez pouvoir peut-être vous aussi de l'autre côté poser des questions à Bruno par rapport à son touring de Grande-Bretagne. Bruno qui est venu avec des cadeaux, on les offrira en direct, il nous les offrira en main propre. Et puis Gérard qui apparemment a l'air de... Bon, sans connaître Bruno, a l'air d'avoir un bon feeling et puis des bonnes questions en tout cas. C'est un sujet qui a l'air de t'intéresser. Bah disons, moi je lui pose des questions. Ça ressemble un petit peu au routier aussi, hein, quelque part. C'est un mec qui roule quoi. Bah disons, pour voir par la suite le temps et tout ça qu'il a. Bon par contre, je vais. Attends, ce que je vais te proposer, c'est de faire une pause. Hein, ça dure 1 minute 20. On fait une pause et juste après la pub, directement, on revient sur ce fameux débat, ces questions entre Bruno et entre Gérard et l'Internet, c'est ça, il y a quoi? Par contre, alors, monsieur Fesse de Babouin, un conseil que je te donne, madame Sandy, vous pouvez me remettre plus de frites, s'il vous plaît? Eh ben, madame Sandy, t'emmerdes. Voilà. En de bonne entendeur, salut Fesse de Babouin. Voilà, ça c'était sur Internet, parce que Gérard a l'écran devant lui, donc vous pouvez lui laisser des messages sympathiques. Si vous voulez poser des questions à Bruno, qui est là ce soir, et à Gérard, à tous les deux, profitez-en, 0803-08-5000. Je pense que vous allez être extrêmement nombreux à avoir envie de parler à ces deux lascars. C'est une rencontre extraordinaire, c'est la première de ce nom dans le Star System, Bruno et Gérard, dans un instant de retour, 1 minute 20, et on retourne à cette discussion. Pendant toute la semaine, joue à la bonne plante tous les matins à 7h15 avec Bobby Zay Martin et part à la rencontre de Kylie Mel, Anastasia, Janet Jackson, Ryan Spockney. Dès le 6 novembre, en jouant à la bonne plante à 7h15 sur Fun Radio, part à Stockholm à la rencontre des stars Golden. Joue à la bonne plante à 7h15 et part assister en VIP au MTV Music Awards. La bonne planche, c'est tous les matins à 7h15 sur Fun Radio. Fun Radio donne le tempo avec Technovation Mix by DJ Flex. Avec le nouveau lighting et en exclusivité DJ Flex. Le nouveau indicateur planche. Madison Avenue. Technovation Mix by DJ Flex. Un mix imparable pour une sélection incontournable. De hip hop. Et des bip. On joue et même qu'on gagne. Tu fais de la musique, tu chantes, t'as du talent, t'as pas d'argent, pas de problème. À l'occasion de la sortie du film Coyote Girls, Fun Radio te paye une journée dans un gros studio d'enregistrement avec un ingénieur du son pour que ton morceau déchire. Et en plus, on te le gravera sur plein de CD et on te fera une belle pochette. Tu veux gagner? Alors envoie d'abord le CD ou la cassette de ton single à Fun Radio, concours Coyote Girls, 20 rue Bayard, Paris 8e. On se fera un plaisir de choisir le meilleur. Coyote Girls, un film fun. Je suis là, là. Tu manges les Kinder Bueno? Ah ouais, j'adore, ouais. C'est le plaisir du chocolat et sous la gaufrette croustillante, il y a le mélange léger de lait et de noix d'être. Ah, c'est trop bon là, après tu sens vraiment léger, tu vois. Là. Mais justement, je connaissais un type, il mangeait du Kinder Bueno, il est parti faire du cerf-volant. Et ben tellement il était léger, il a décollé, on l'a retrouvé après. Asgore. Il a couché à l'hôtel. Et tu vas où? Tu vas plus faire le cerf-volant? Non, je vais chercher ma brosse à dents là. Kinder Bueno, le plaisir au cœur léger. Asgore, je connais pas. Les 21h, Max, sur Fun Radio. C'est un grand spectacle, hein, de retour avec nous au 0803-085000 si vous avez envie d'appeler, de poser des questions à Bruno, hein, le spécialiste du Turing de Grande-Bretagne, on peut le dire. Oh oui, c'est tout à fait exact. Turing de Grande-Bretagne, il faut préciser, Max, si vous me laissez quelques mots comme ça. Oui, bien sûr. Turing de Grande-Bretagne, j'ai... C'est quoi? C'est un grand tour de Grande-Bretagne, c'est-à-dire, je précise, un demi-tour sur la Grande-Bretagne et puis le grand tour complet, là, jusqu'en Écosse, jusqu'à Turceau en haut. Alors, moi, quand j'entends parler du Tour de France, bon, ben, ça me fait rigoler parce que... Oh, oui. Ça me fait rigoler, bien quoi. Sûr. Parce que, bon, moi, le Tour de France, bon... pour moi, ça a du sens. Mais après, ça veut plus rien dire. Ils prennent l'avion. Ils se cassent pas trop la nénette au Tour de France, hein. Après, ils prennent l'avion. Après, s'il y a une roue qui casse, bon, ben, ils remplacent. Si les vélos, ils cassent, eh ben, ils changent de vélo, et puis... Alors que c'est pas le cas pour toi, t'es tout seul. Alors que moi, j'assume tous les frais, hein. C'est... Ouais, ouais, ouais. Touring de Grande-Bretagne, attention, c'est du boulot, hein. Gérard, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui est de retour également? Gérard de Suresnes, qui est avec nous ce soir, invité spécial avec ce fameux duo. Alors, qu'est-ce que... Non, parce que moi, je dis, comme j'étais en train de lui dire tout à l'heure, là, le temps que tu finisses la pub, j'étais en train de lui demander pourquoi tu prends le Fury au lieu de prendre l'Eurostar. Parce que le Fury, en fin de compte, vous perdez plus de temps avec le Fury qu'avec l'Eurostar. Parce qu'en Fury, vous avez combien de temps de traverser en mer? Alors, combien de temps? Je pense que c'est un sujet passionnant pour ceux qui écoutent la radio. En ce moment, ils doivent vraiment se régaler. Hein. Ben non, c'est des questions que je... Non, mais justement, je me dis que le mec qui écoute en ce moment, ceux qui écoutent, enfin les filles comme les garçons, doivent se régaler. Bon, alors, vous m'avez posé une question, alors... Je vais vous répondre. Ouais. Alors, oui, Gérard m'a posé une question, mais je voudrais qu'il me repose parce que ça m'est ressorti complètement de la tête. Ben, disons, pourquoi prendre le ferry? Parce que le ferry, c'est la traversée est plus longue qu'avec avec l'Eurostar. Ah oui, certainement. Parce que l'Eurostar, le Paris-Londres, je crois que c'est 2 heures, hein, à peu près. 3 heures. 3 heures, 3 heures, on me fait signe. Donc 3 heures. Et donc en mer, c'est un peu plus longtemps. Ah oui, le ferry, bon, il faut compter à peu près quand même 7 heures, hein, 7 heures. Même je me demande si c'est pas 7 heures et quelques. Mais c'est très très long parce que bon, moi, ce coup-ci, j'ai vu la mer défiler en bas à 10 mètres plus bas. Et c'est impressionnant, des vagues. Hein, et ça, à un moment donné, j'étais dans le ferry et j'ai entendu un bruit dans le gros paquebot pendant la traversée. Boum, j'ai eu un peu peur. Vous savez qu'est-ce qui fait ça? Non. C'est une grosse vague qui claque contre la coque en bas. Mm-hmm. Alors, c'est assez impressionnant, hein. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Donc, pourquoi pas prendre l'Eurostar? Si des fois, t'as l'occasion de le refaire, pourquoi pas prendre l'Eurostar? Peut-être que ça sera mieux et ça mettra moins de temps. Eh ben... Je préfère prendre le gros paquebot parce que au moins il y a tout, il y a des casinos dedans, il y a la télé, il y a des gros bars et à côté dans le bar dans une salle, il y a un petit théâtre où il y a des chanteuses anglaises qui chantent des musiques qu'on entend à la radio avec un micro avec comment qu'on appelle ça, un karaoké. Un truc adéquat. Et donc ils chantent des chansons, puis ils chantent bien, hein, ils ont du bon matériel. Hein, Alors, pour revenir peut-être, parce que bon, on parlait du voyage, tout ça, c'est intéressant, là, le débat qu'on avait tout à l'heure, concernant justement, et Gérard, on en parlera le 28 décembre, mais je pense que c'est bien d'en parler avant que n'interviennent des auditeurs qui veulent poser des questions à Bruno et à Gérard. La délinquance. Est-ce qu'il y a plus de délinquance et de chômage, puisque ça sera d'ailleurs le prochain débat, en Angleterre par rapport à la France? La question qu'on peut vous poser à tous les deux. Bah disons, moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller là-bas, hein, donc c'est à Bruno de nous le dire. Parce que moi, là-bas, je sais pas exactement s'il y a plus de chômeurs qu'en France. Il n'y a que Bruno qui peut nous le dire. Je peux vous dire qu'avec toute l'expérience que j'ai depuis 13 ans maintenant, il y a beaucoup plus de gens là-bas qui n'ont pas de travail, beaucoup plus qu'en France. Hein. En France, c'est la gnognotte. Il faut voir les jeunes qui traînent les vieux quartiers là-bas. Ils n'ont pas de boulot, tout ça. Alors, une question que je me pose. Lequel quartier est le plus dangereux là-bas en Grande-Bretagne? Alors, autant que je m'en souvienne, moi, j'ai eu un problème, je crois que c'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière. Je suis tombé sur... j'avais rien à faire dans ce quartier, et puis j'ai traîné comme ça avec mon vélo. Et puis, il y en a un qui fouille dans ma sacoche à l'arrière, tout ça. Bon, il faut rien faire comme c'est comme ça. Il faut avoir une expérience terrible. Il faut rien faire. Il y a des moments, il faut rien faire. C'est une expérience terrible, ouais. Alors après ils m'ont parlé de drogue, enfin bref ils m'ont parlé de drogue, tout ça. Et puis Ouais, Gérard, qu'est-ce que tu dis? Non mais ça c'est pas trop un sujet qu'on peut aborder à cette heure-ci, parce qu'il y a encore des jeunes qui nous écoutent, hein, quand même. Non mais ce qu'il y a, t'as pas répondu à ma question, Bruno. Le quartier le plus chaud que t'as pu aborder du temps que tu y as été? Alors le plus chaud, c'est pas forcément les grandes villes, hein. C'est surtout Oxford, là où j'ai eu une histoire aussi. C'est chaud comme quartier Oxford, des villes comme ça, comme par exemple, Manchester ou encore des villes comme ça, hein. Londres, ça serait extrêmement dangereux si je restais longtemps, je crois. J'aurais des problèmes là-bas. Hein. C'est une ville craignos, hein. Mmh. Ben, je te remercie, Bruno, des petits renseignements. Mais disons, Manchester, quand il y a rien. Il y a des matchs quand même. T'as dû pouvoir voir à peu près comment que ça se déroulait. T'as dû voir. Parce que je crois, c'est à Londres, c'est bien ce que j'allais dire. T'as dû voir des policiers sur des chevaux. Oui, enfin, j'en ai pas vu tellement, mais bon. Pourtant, Londres, l'Angleterre, c'est là où ils sont le plus avec les chevaux, hein. Oui. Ils doivent en avoir. Enfin, moi, j'en ai pas tellement vu, mais mmh. Mais disons que bon. La police, en fait, c'est pas comme en France. La police là-bas, au moindre machin, elle vous arrête pour rien, elle vous contrôle. Que en France, c'est pas tellement, ils sont pas tellement méchants, les policiers en France par rapport en Angleterre. Hein. Ça, bon, c'est pas. Hein. On a peut-être quelqu'un qui voudrait. Ouais, on a Conny, 19 ans de Bordeaux, qui est avec nous. Bonsoir Conny. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va. Alors la question que tu voudrais poser à qui? À Bruno, à Gérard, aux deux? Non, c'est surtout à Bruno en fait. Je voulais savoir s'il avait rencontré un peu des femmes lors de son touring de Grande-Bretagne, et surtout en fait quelle était la différence qu'il trouvait lui entre les femmes de France et les femmes qu'il a vues sur son chemin. Eh bien, j'ai rencontré des femmes, oui, des femmes, enfin de passage, quoi. Je me suis fait embobiner par une. Bon, elle m'a piqué 100 francs, mais j'ai fait attention quand même, parce que. Mais j'évite de les voir en Grande-Bretagne, parce que tu sais, c'est assez dangereux en Grande-Bretagne. Ouais, pourquoi? Parce que en principe. Je sais pas. Ben pourtant, enfin, je sais pas. Pourtant, en Angleterre, c'est plutôt, les Anglais sont plutôt réputés assez chaudes, quoi. Ah oui, elles sont assez chaudes. Hein. Ouais, Gérard a dit oui de la tête. Mm-hmm. Hein. Ça, je peux confirmer. Hein, c'est pas parce que j'ai jamais été en Angleterre, mais je peux le confirmer parce que Sandy est d'origine anglaise. Ah, d'accord. Donc, je peux confirmer que les Anglaises sont bien. Ça, c'est vrai. Ah ouais, non mais c'est clair, ça c'est. Voilà. D'origine anglaise. Eh ouais. Ah bon? Bah oui. Elle parle anglais couramment, alors? Ah bah ça, faudra lui demander quand il l'aura au téléphone. Écoute, tu sais même pas si elle parle anglais couramment, ta meuf? Ah bah moi, je lui demande pas, hein. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Donc, tu disais les filles, donc faut s'en méfier en Angleterre, hein, Bruno? Oui, mais enfin, vous savez, les filles, elles sont différentes en France, hein. Elles t'adressent la parole, tu réussis mieux à t'accrocher à elles, tu vois. C'est quand même différent. Il faut dire franchement, en France, c'est pas tellement olé olé les filles, hein. Pourquoi en Angleterre ça l'est? Mais t'as rencontré un peu, t'as eu des aventures avec ces filles ou quoi? Oh ben, y en a qui ont essayé, bon, avec moi, mais bon, ben, ça s'arrêtait là, c'est tout. Ok, d'accord. Très bien. Voilà Conny. Ok, ça roule. Bon, vous ne vous n'hésitez pas à appeler comme Conny au 0800 308 5000. Gérard est avec nous et c'est une première mondiale pour la bande FM. Gérard de Suresnes avec Bruno. Tu es d'où Bruno en France? Eh ben je suis né à Paris dans le 13e arrondissement. Je suis un Parisien. Mais tu vis où en ce moment? Ben en ce moment, bon, je plante ma tante igloo et puis avec une tante igloo on peut se poser n'importe où, hein. D'accord. Y a pas de problème, hein. Toi, Gérard, tu aimerais vivre comme Bruno, tenter l'aventure, même avec Sandy, de partir avec un sac à dos et d'aller vivre comme ça, même en restant en France, mais d'aller dans... pas d'avoir de ville et puis de bouger, d'aller se balader, de voyager. Bah disons, si on a des sponsors, s'il y a des sponsors derrière pour nous appuyer, pourquoi pas? Parce qu'il faut se dire une chose, que bon, d'accord, Bruno part avec des économies qui gardent, mais surtout, il faut... comme toi, il a une pension. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Tu claques tout aussi, hein. Bon, tu t'écrases, Fulder, c'est pas moi, c'est Manu qui a raconté. Non, c'est toi qui viens de le dire, parce que c'est tout, il y a toi qui a ton micro d'allumé, alors tu fermes ta gueule. Ça vaudra bien. Rapide, Manu. Non, mais faut dire que faut des sponsors, parce que t'es pas à l'abri de... T'es pas à l'abri de ce qui peut y arriver derrière, hein. Et nous, on avait deux sponsors qui nous avaient demandé, au cas où il y a un souci, c'est Justin Bridou et Ricard. Ouais, c'est ça, alors... Ils peuvent t'épauler. Des conneries comme ça, tu te les cordes dans le cul, d'accord? Et pèse de babouin, tu arrêtes un petit peu, parce que tu commences à me les gonfler sérieusement avec alors, ta petite... Alors, Bruno, t'es venu avec des cadeaux. Ah ouais. On va les regarder en direct, on y va. Tu prends ton petit sac et tu vas... Je l'ai là, en dessous la table. Bah prends-le, vas-y. Oh là là, il est tout excité, le petit Bruno, hein. Bah, alors, des cadeaux. Deuxième anniversaire. Tu nous les offres? Oui, alors il faut voir le premier là, c'est quel nom d'ailleurs, je vais regarder. C'est Noémie. Ah, bah Noémie, elle est plus là. Bah, c'est pour NK, ça la remplace. C'est pour NK. Alors c'est pour NK. Voilà. NK. Tiens, pour NK. NK. Si t'as acheté un soutif, il y a un problème. Alors, NK. Alors, c'est pas un god, hein, pour NK. Alors. Pardon, excusez-moi. Alors, le second. Oh là, il faut ouvrir le. C'est un petit carnet, vous savez, c'est pas encore là, joué. Alors c'est pour mon petit Max. D'accord, c'est moi. Il est en face. Je peux me déplacer, hein, ça me fatiguera pas. Hein. Ah, d'accord. Ah, c'est sûr, les personnages. Sacré Bruno. Ce n'est pas un. Je suis sûr que tu le fous au Tour de France, le Bruno. Ça fait 30 ans qu'il est sur le vélo. Il doit les cartonner. Je devais juste à dire aux auditeurs que ce n'est pas du tout un acteur. Hein. C'est un vrai de vrai. Hein. Alors bah, tu ouvres pas une carte au cadeau? Ça, c'est pour Gérard. Alors, moi j'ouvre aussi cadeau, hein, déjà. Ah ben, c'est comme toi. Je l'ouvre aussi alors, moi, j'attends pas les autres. Oh, mais c'est mortel ça! Alors, ça me fait plaisir. Regarde, alors ça c'est génial, regarde, c'est pour mettre des bougies. Des bougies, non, c'est marrant ça. Sous forme, alors c'est un. Comme un. Un abat-jour. Hein. Ah, pareil. Sauf qu'on met. Un petit tabac-jour. Toi, ça va te servir, t'en as dans la jambe des bougies. Alors ça, qu'est-ce que je vais t'en mettre une dans le cul. Ah, ça me fait plaisir. Merci, Bruno. Oh, c'est pour Jean-Pierre Sauzère. Bah, tu vas me le donner, tiens. Oh, je vais lui envoyer. Mon Dieu, et Max, tu lui remets. Ouais, oh, bah, je te remercie. Tu remets à... Pareil, ça. Ouais. Ah, bah ça c'est. Ah, bah je te remercie, Bruno. On va lui envoyer à Jean-Pierre. Rien, vous savez que je vous aime bien. On va l'envoyer chez moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Bruno? Alors après, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a Manu. Oh, ah. Manu. Ah, mais c'est que mine de rien, ça fait plaisir parce que moi qui suis amateur de bougies. Bruno, sérieusement, donne mon paquet, oui. Comme je voudrais vous le préciser, l'argent ne compte pas pour moi. Eh bah très bien. Tant mieux. Tu sais que j'ai vu une très jolie montre. Je t'en parlerai. J'ai vu une très jolie montre du côté du Bon Marché. Une petite marque très sympa. Elle coûte pas très très cher. On ira la voir ensemble. Je te la montrerai. Franchement, c'est la classe. Merci beaucoup, Bruno. Hein. C'est quoi? Donc j'explique aux auditeurs. C'est les petits chats. Ouais. Et dedans, on peut mettre une petite photo, en fait. Bon, pour ta petite, ah, pour ta petite commune de Véros. Ouais, c'est pas la même chose. C'est magnifique. Alors maintenant, c'est Filda. C'est pour Ginny. Ah bah non, non, non, non, non, je vais lui donner moi aussi. Non, je vais lui donner. Et sérieux, tu lui remets. Oh là là, je te remercie, Max. Si elle peut recevoir son cadeau, Ginny. C'est quoi dedans de... Je crois que c'est un réveil. Ouais, bah tiens. Ça, tu lui offriras? Ouais. Non, tu lui donnes toi ou pas? Ouais, si tu veux. Tu le feras ou pas? Je lui donnerai. Je lui donnerai. Tu passeras la voir? Mais j'habite du village, il faut dans sa boîte aux lettres. Tu sais où elle habite? Bien sûr. Bon, alors d'accord, tu lui donneras. Hein? Pardon, excuse-moi, mon petit Max. Je t'en prie. Ensuite, c'est pour Bob. Alors, moi, je pense à autre chose. Je dis que pourvu que j'ai le nombre de cadeaux. C'est quoi dedans? Ça va être un dé, non? Un truc comme ça? Je me rappelle plus bien. Tu sais plus? Tiens. J'ai la mémoire pour certaines choses, mais pour Bob. C'est pas toi qui as écrit, là? Non, ah oui, parce que... c'est une dame à Versailles qui m'a... qui a inscrit. D'accord. Parce que moi, si j'écris, moi, on comprendra jamais rien. Hein. D'accord. Ensuite... Ah, ça vous réveille, Ginny, c'est gâté. Ensuite. Léo, notre ami Léo. T'exagères. Oh non, t'aurais pas dû, t'as fait des folies. Il vaut mieux faire des folies. Attends, je vais lui donner. C'est quoi, c'est une technique? C'est une technique, c'est pour mixer? Tiens, ouvre un peu. Ouvre. Alors, déjà qu'il y a des petits messages que notre ami Fildar a sa carrière pour Bruno, pour Bob, un truc pour apprendre à mixer pour Léo. C'est quoi? Bah, c'est sympa. C'est un petit saut. C'est un petit panier pour aller faire des croix. Moi, j'aime bien le truc que tu m'as acheté, les abat-jour, là. Ah, ça me fait plaisir, Jean-Pierre Sonneur, je vais te l'envoyer le tien. Tu sais que ça doit bien éclairer dans une chambre. Ah ben, je vais essayer ce soir. Ah hein. Oui, ça doit bien éclairer. Hein. C'est clair. Tu sais, si t'as un buffet ou... Parce que tu... Si ah mais dans ma salle de bain, moi j'aime bien prendre des petits bains avec des petites bougies. Ouais. Alors comme j'ai ma copine qui arrive jeudi. Quand? Jeudi. Jeudi? Ouais. Alors là, c'est super. Tu veux rien acheter, ma copine? Oh là, ouais. Tu veux lui rien acheter? Parce qu'elle a vu, il y a une très jolie montre. Je savais bien que j'avais pas pris le nombre de cadeaux. Oh là là. Non, mais c'est pas grave. Par contre, je vais te montrer. Tu restes dans Paris, je te montrerai. C'est au bon marché. Ah, tu vas dans les montres, je te donnerai la marque et tout. Tu verras. Ah, bon adore. Arrête, il est capable de le faire. Ouais. C'est une montre d'homme magnifique. Mais arrête. Non, mais oui. Chrono. Bruno, j'ai pris mon cadeau. Ça coûte 6 500. Alors, elle est belle, je vais te l'offrir. Alors, le dernier, ça sera à mon petit fil d'art. Ça va y arriver. Oh la grâce. C'est forcément. Ensuite, excusez-moi de vous couper la parole. C'est quoi? J'ai des porte-clés. J'ai des porte-clés. Ça va? Ah, c'est bien. Ah, c'est bien quoi. Ah ouais. Ah, merci Bruno, ça me touche, merci beaucoup. Par contre, j'ai heureusement, j'ai dit que j'avais pas prévu d'autres cadeaux, mais si j'ai des porte-clés, mais alors le problème avec la pluie qu'il a fait, le paquet il est crevé, c'est horrible. Mais où est-ce qu'on est, Karim? C'est bien, je vais ouvrir le paquet de Bob, hein, il me permet. Sans déconner, regardez ce que tu utilises, toi, Gérard, ton truc, ton abat-jour ou pas? Ouais, je le garde, moi. Sinon, tu me l'offres, hein. Ouais, je le garde. T'es sûr, hein? Mais t'as pas de bougie. Ouais, mais Sandy, elle va l'aimer. Ah, putain, ça me fait plaisir. Non, mais ça, c'est bien pour mettre dans ma chambre. J'aime bien. Merci beaucoup, mon petit Bruno. Mais de rien. Moi, je suis fier quand je dis que je suis à votre service. Ouais. Bah écoute, je vous aime tous. Mais nous aussi on t'aime. Vous savez? T'as rien acheté à ma copine? Si, j'ai des porte-clés. Non, mais. J'ai un porte-clés J'ai un porte-clés en plaqué or. Oh non! Alors le problème c'est que est présenté comme ça. Non, attendez. Il n'y a pas de paquet, il y avait un paquet mais il est crevé par la flotte en fait. Ouais. Mais sinon, je te montrerai une montre. Arrête! Mais non! Arrête! Tu sais que ta montre! Je vais pas lui en parler, c'est tout! Tu te la payes! Ouais! Une Longines, tu verras. Longines? La chrono, la dernière, 6500. Mon Dieu, je te remercie, mon petit Max. Ah, tu veux? Merci, Max, de lui avoir fait un cadeau. Si je vous fais un cadeau, c'est pas pour que vous me faisiez des cadeaux. Je te l'offre pas, cette montre. Par contre, si tu veux me l'offrir. Ah oui, je te l'offre, oui. Non, attention. Combien qu'elle coûte? 6 500. 600 000? Non, 6 500. 6 500, ouais, combien? 600 000 pour les... 60 000? Ouais. 60 000, alors ça, 60 000, ça fait combien? Ça fait... Oh bah, c'est fait... je rigole, Bruno, il est hors de question. Non, tu crois que je serais pas capable? Je sais, mais il en est hors de question. Ou alors si tu me les offres, je te rends tes deux abat-jour. Oh non. Non. Je rigole, il est hors de question, c'était pour plaisanter. Mon petit Bruno, tu vas rester avec moi. Mon Gérard aussi. On aura Nathalie dans un instant, 25 ans de tour. Exact, bonsoir. Ah Nathalie, c'est toi qui vas me l'offrir cette putain de montre. Pas de problème. C'est vrai ? Bien sûr. T'as les moyens ? Non, je vais la voler. Ah bah oui ! Hey Max, t'as moyen de voler ? Max, tu peux pousser un coup de gueule là comme contre poste de Babouin, c'est ce qu'il dit. Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Sandy bosse au stand Steak Street de l'université Paris X. C'est vrai qu'elle est au grillade. C'est vrai ? Pareil. Elle est au grillade, Gérard ? Bah oui. Bon alors, face de babouin, un conseil que je te donne demain, si je te vois, je te fais une tête au carré. Tu l'as déjà vu? Bah attends, c'est lui qui a été faire les photos, alors... Elle fait aussi les frites avec la graisse de ses cheveux. et ta connerie, toi, espèce de pétasse. Bon, Nathalie, oui, une question pour qui? Pour Bruno. D'accord, donc on parlera de quoi? Du Turing de Grande-Bretagne ou... Non, on parlera du Turing et aussi de la vache folle. Ah oui, ah. Donc, tout à l'heure, dans un instant. Juste après la pub. D'accord. Ah oh oui, d'accord, oui. Reste sage. Comme une image. Oh, comme c'est bien dit. Il parle bien. Hein. Alors, Nathalie, t'as une question à Bruno qui nous écoute. Il y a Gérard de Suren qui est là également. Ouais, mais ouais. Tu t'en fous, Gérard. Mais attends, oh. Bonsoir, hey Max, Bruno. Hey, t'as dit qu'il y avait Gérard, alors si t'en as rien à foutre, tu le dis tout de suite. Bonsoir Bruno. Bonsoir à toi. Voilà, je voulais savoir, t'as dû entendre parler de la crise de la vache folle en France. Je voulais savoir où ça en était en Angleterre, parce qu'en fait ça vient de là-bas. Et je voulais savoir si la crise avait été éradiquée. Alors d'abord, est-ce que c'est une crise ou est-ce que c'est une mode? Sur ce sujet-là, je crois qu'il faut pas trop dramatiser. Bon, mm-hmm. c'est vrai qu'il y a des vaches folles, c'est vrai. Mais t'en as vu toi personnellement ces vaches folles? Bon, alors je vais vous sortir un machin drôle parce que ça va vous faire rigoler, hein. Elles font des brigades. Si les vaches étaient folles, si elles sont vraiment folles, alors, je sais pas si ça en ressort avec mon histoire drôle que je veux sortir. Mm-hmm. Eh ben ils ont qu'à les enfermer dans des asiles de nuit s'ils sont vraiment folles leurs vaches. Je sais pas si ça ressort bien mon... Si j'ai mal raconté, tant pis pour moi. Hein. Elle est finie la blague? Oui, elle est finie. Ah ouais. Bon, alors... parlons peu, parlons bien. Ah, quand même. Sérieusement, hein. Gérard, tu peux en parler. Hein. Apparemment, Nathalie, t'as pas calculé, elle sait pas que t'es là. Non, mais elle est à moitié tombée, alors. Mais j'entends pas Bruno, là. Alors... C'est sûr qu'il y a des vaches folles, mais enfin, quand même, tous les troupeaux, ils n'ont pas que des vaches folles, hein. Il y a des vaches qui sont bien. Hein. Mm-hmm. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des vaches folles, mais je trouve qu'ils en mettent un peu de trop. Il n'y a pas tant de vaches folles qui veulent bien nous le faire croire. Mais un pourcentage à peu près, t'as une idée? Oh, alors là, dans un pourcentage, j'irai pas m'avancer, parce que si je dis quelque chose après qui est pas en rapport avec ce qui est... Ouais, tu vas t'attaquer dans la presse, quoi. Eh ben, on va m'attaquer dans la presse, alors j'ai mieux pas dire de bêtises. Ou plutôt, j'ai mieux me taire. Mm-hmm. C'est aussi bien, oui. C'est vrai qu'il y a des vaches folles, c'est vrai, il y en a. Mais il faut pas exagérer quand même, hein. Il y a pas tous les troupeaux qu'il y a partout en France et en Angleterre, il y a pas que des vaches folles, il y a des vaches qui ont rien non plus, hein. Il faut pas exagérer non plus, hein. Mm-hmm. Et comment tu le vois qu'elles ont quelque chose ou pas en Angleterre? Parce qu'en France on a des images, mais en Angleterre on en a pas. Ah ben moi je le vois pas, moi. Moi c'est du fait que je parle avec les fermiers, j'ai beaucoup l'occasion de parler avec les fermiers en Angleterre. Mais bon, il y a les fermiers, moi je vous dis ce que les fermiers anglais me disent. Ils me disent, c'est la télévision, c'est ceci, c'est ouais, cela. Non mais ce qu'il faut dire, Bruno. Ah, il y a un blanc là. Bon, tais-toi, toi. Et toi, tu sais que je suis là, alors si t'as pas envie de me parler, tu le dis tout de suite. Mais et puis. Tu vas partir la bande avec Britney Spears, là. Bon, et, oh, si ça te plaît pas, toi. Hé, hey, t'as même pas essayé, t'habites Tours et t'as même pas été capable d'aller voir Max mixer. Alors. D'accord. Alors, on doit bien entendre salut à toi. Oui, la vache folle. Ouais, bah, la Valpoche, moi, la Valpoche, la vache folle. Bon, j'ai un disque tailleur. De toute manière, on en fait tout un plat, mais faut te dire une chose que, comme Bruno l'a dit. Tout un plat, il faut mieux aussi l'accompagner avec des frites ou ouais, des. Non, mais là. Tu fais tout un plat et tu fais ça, non mais là en ce moment, c'est que ça va un peu trop loin parce que maintenant c'est toutes les grandes surfaces qui sont retirées. Ah bah, ça va être la grillade folle hein, à un moment donné. Bah, de toute manière, je pense que. Il y a ta femme qui travaille dedans, à un moment donné, c'est au chômage, toutes les grillades. Non mais de manière, non mais là je pense que pour l'instant il y a un peu trop de trucs qui sont dits. Et de manière, les journalistes en disent de trop, donc faut mieux voir avec son boucher qu'on a l'habitude de traiter. Parce que les trois quarts du temps, les journalistes en racontent, ils en font tellement un plat qu'à la fin, on ne sait plus quoi bien manger. Alors, c'est la côte de bœuf, c'est les steaks hachés, c'est le poulet, c'est le canard, c'est les œufs. Le poulet, c'est pas du bœuf. Hein. Non, mais pour l'instant, le poulet, il y est aussi. Hein. Alors, je te signale, écoute bien les infos, et avant de. Bien sûr, le poulet fou. Le poulet fou ? Oui, maintenant, c'est le poulet, le canard qui a dit un fou. Ouais. On aurait pu demander à Sandy, là, vu qu'elle est dans la partie, maintenant. Ouais, bah toi, t'es une folle, d'accord ? Oui, si tu veux. Bon. Alors, je veux te dire une chose, Sandy, elle t'emmerde, toi. Non, mais attends, elle... Sandy, elle t'emmerde, ok ? C'est des grillades de bœuf. Ouais, mais Sandy, elle t'emmerde, c'est pas des grillades de bœuf qu'on fait, d'accord ? C'est des grillades de ton cul. D'accord ? D'accord. Ce qui est bien, ouais, c'est tu m'as bien compris. Oh, il m'a cassé net. Gérard et Sandy pourront ouvrir un restaurant. Après, ils sauront tout faire, servir, faire la bouffe. J'irai pas perso. Mais... Ah ouais. Alors, Bruno, qu'est-ce que tu penses à tout ça, tout ce que vient de dire Gérard concernant sérieusement les problèmes de vaches folles et de grillades et... De cette manière, ça vient de là-bas. Hein. Ça vient. Il y a le poulet fou en Angleterre. Il y a bien des. Attends, on laisse parler. Il y a bien des folles à Tours. Bon, alors, excusez-moi, Max, il a dit, qu'est-ce que j'en pensais, ce que Gérard avait dit, il est d'accord avec moi, il dit qu'ils en font un peu de trop, ben c'est vrai, hein, ils en font un peu de trop, c'est sûr que, bon, il y a des vaches folles, mais enfin, quand même, tous les vaches sont pas folles, hein, il faut pas pousser les vaches dans le fossé quand même, hein. Non mais attends, Bruno, faut dire une chose, faut bien se dire une chose, que d'où vient la vache, d'où s'est promené ce problème-là, ça vient d'Angleterre. Oui, ça vient d'Angleterre. Donc c'est les Anglais qui nous ont ramené ce d'Angleterre, hein, pas de Nanterre, hein. Ah oui, en principe, ça arrive de l'Angleterre. Bon, il donne, j'ai entendu dire, hein, il paraîtrait, hein, qu'il donne de la farine, je sais pas quoi, enfin, j'ai écouté comme ça. Et cette farine-là, eh bien, s'il veut pas, moi, je vais peut-être raisonner comme un tenon, hein, mais tant pis. S'ils veulent pas qu'il y ait une vache folle, ben, ils ont pas qu'à donner de la farine, ils ont qu'à donner autre chose. Ben oui, mais quoi? Là, ils ont qu'à te donner toi à manger. Non, allez, arrête, oui, c'est un sujet sérieux, Gérard. D'ailleurs, c'est un débat que tu pourrais faire un petit peu, un débat sur la vache folle. Je pense que ça peut être intéressant, ouais. Ouais, ben, surtout pas avec déjà, toi. Déjà, on fera la délinquance. Surtout pas avec toi lors des débats. Alors, Gérard, sérieusement, débat, alors qu'est-ce que... Non, parce que là, de toute manière, faut dire une chose, que le problème, c'est vrai que ça vient de là-bas. Ça vient de chez eux. Bon, maintenant, savoir si on leur donne de la farine, ça, on ne sait pas. Parce que on ne sait pas exactement ce qui en ressort des trucs. Ils abattent des troupeaux à l'heure actuelle. Maintenant, c'est venu en France. Ils en ont encore abattu le week-end dernier. Donc, faut qu'on arrête avec cette histoire une bonne fois pour toutes. Qu'on essaye de savoir d'où vient ce problème, d'où ça te sort. Parce que sinon, bientôt, on n'aura plus rien à manger dans les assiettes. Déjà la côte de bœuf, le poulet, tout ça. Donc maintenant, il y en a marre. Faut dire stop à ça. Il y a des responsables qui sont, il y en a qui sont bien placés pour s'occuper de ça. Donc qu'on leur laisse la place, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, mais pas nous emmerder, nous retirer ce qu'on a besoin. Parce que maintenant, sinon, on va plus rien manger. T'es pas d'accord avec moi, Bruno ? Aussi, Gérard, que je suis d'accord. Par contre, moi, il y a un machin que je comprends pas. Pourquoi qu'ils parlent de farine ou je ne sais pas quoi, ils parlent de farine, la farine, soi-disant, c'est à cause de ça qu'il y a des vaches folles ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je comprends que dalle, moi, là-dedans, moi. Non, mais... En anglais, c'est farine. Non mais ça c'est des trucs, c'est leur problème à eux, c'est eux qu'ont inventé des substances pour donner aux vaches. Bon, maintenant savoir ce que c'est, on ne sait pas. Parce que de toute manière, tous les prélèvements qui ont été faits, on n'en sait rien. Il y a, de quoi? Mais attends, toi, t'as quel âge, toi, pour dire ça? J'ai 25 ans. T'as 25 ans, t'écoutes les impôts 24 heures sur 24? Bah non, mais... Non, bon, bah alors, pour l'instant, t'as 25 ans et tu sais rien. Attends, Gérard, il passe son temps à écouter France Info, il y a que ça à faire. Ça à foutre, hein. Ouais, bah attends, moi, je peux te dire une chose, que à force, je me demande ce qu'on va arriver à manger bientôt. Uh-huh. Bientôt ça, ouais, des yaourts. bientôt tu vas manger des boîtes de conserve avec des trucs qui sont dedans aussi. Comme toi avant. Bien sûr. Non. Alors. Bien, ça fait tomber les dents. Ouais, ta gueule. Bon, et toi, écrase la pétasse. Ah, la malnutrition. Ça donne du scorbut, ouais. Bah ouais, tant que ça donne pas de poils au sein, ça va. Ok. Il est trop drôle. Ouais. Bon, c'est tout ta question. Ah bah moi je m'adressais déjà à Bruno. Donc je voulais remercier Bruno pour son témoignage sur la vache folle, parce que moi ça m'a bien éclairé. Et puis je voudrais dire quand même aux crous de Paris 10 qu'ils abusent, quoi. Mettre un fou au yaourt et une folle dingue aux grillades, faut pas abuser, quoi. Et toi, la pétasse, on t'emmerde la pétasse de Tours, d'accord? Bah viens quand tu veux. Hein, parce que la pétasse de Tours qui est même pas capable d'aller voir le Star System et qui se permet d'insulter de nous insulter. Alors tu t'écrases, d'accord, pétasse? Non, je m'écrase pas. Alors tu fermes ta gueule et c'est tout, et tu vas te faire sauter par qui tu veux. Bah pas de problème. Ok, et pas par moi. Sûrement pas par toi, c'est clair. Dans votre manière, j'aurais peur de me salir les mains. Ouais, bah achète-toi un cerveau, une bite, après on en repart. Ouais, bah t'arrêtes. Je vais te dire une chose, ce que j'ai entre les jambes, t'es pas prêt de l'avoir dans ta bouche, espèce de connasse. Ah bah ouais. C'est clair, hein. Mais il a quand même une voiture. Même grande ouverte, ouais. Hein, d'accord. Toi, tu fermes ta gueule, toi. Il y a qu'un peu, on l'a entendu. Sur IRC, il y a le Corac qui dit, en fait, les farines animales, c'est en fait des déchets de la jambe de GG. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. C'est plutôt ceux qui n'ont même pas été capables d'aller voir Max avec toute la publicité qu'on leur a fait. Et c'est vrai qu'on a parlé à un moment donné de la vache folle, mais c'est vrai qu'il y a une période où, ici, en tout cas dans les studios, on parlait de la pâte folle. En tout cas, c'est clair, Gérard, que la vache folle, tu l'auras pas parce que c'est dans le cerveau, alors. Eh ben toi, t'auras pas la chape folle. Ça, c'est clair non plus. Parce que la chape folle, pour l'instant, t'es même pas capable de te faire baiser. Oh là là, tu me connais trop bien, Gérard. Ouais, ben, en tous les cas, je vais te dire une chose, que t'as même pas été capable de... Non, on l'a compris, ça. J'ai pas été capable, ouais. Ouais, d'accord. Merci, Nathalie. Je vous en prie, bonne soirée à tous. Merci, bonne nuit. Merci. Au revoir. Bon, conclusion de tout ça, Bruno, et ce qui serait intéressant peut-être, parce que t'es là jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche, hein? Ben, jusqu'à dimanche. Moi, ce que je propose, c'est bon, demain c'est la soirée années 80, donc ça va être difficile, mais tu pourras quand même passer nous faire un petit coucou. Par contre, ce qui serait intéressant, peut-être que mercredi et jeudi... Mercredi, t'as Léo pour de minuit à 2h. Ah oui. À la rigueur, jeudi, si tu veux, on peut faire une rencontre avec Sandy pour une nuit conseil partout. Une nuit partout, espèce de pédé. Une grillade. Non, mais ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est réinviter Bruno avec toi, Gérard. Et il applaudit, Bruno, il est tout content. Et d'inviter pendant une heure tous les deux et de vous laisser discuter un petit peu de l'actualité. Bah avec Sandy. Ah non. Mais on va s'en occuper. Hé hey. Arrête un peu, fil d'art, t'es chiant, fouille la paix. Putain, c'est incroyable ça. Ah mais on peut la décortiquer, tu sais. Bon, tous les deux, vous pourriez parler un petit peu d'actualité. Oui, certainement, hein, certainement. Moi... Je sais pas, par exemple, de ce qui se passe en ce moment dans les pays, là-bas, chaud. Non, peut-être pas. Ah, on va rester au saumon fou, à la vache folle, tu vois. Oui, Bruno. Oui, personnellement, j'ai écouté la radio, j'ai écouté, pour ainsi dire, tout l'été Europe 1 avec mon pote. J'ai écouté Europe 1, et moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout les... Bon... Je sais pas, on va pas trop parler de ça parce que je sais pas comment que ça peut se passer. Les histoires en Corse, tout ça, le gars là qui s'est fait, bon, enfin bref, hein, on va pas épiloguer parce qu'on sait pas jusqu'à où ça peut aller si on reparle de ça. Mais disons, j'ai suivi des certaines affaires, comme par exemple, là, en ce moment, il y a une espèce de paquebot, là, qui a déversé, je sais pas trop quoi, là. On peut en parler, ça, jeudi. Oui. On peut en discuter. Ah, ouais, ouais. Le truc italien, là, qui a coulé dans la Manche, là, comme l'Erika. Oui. Avec des produits toxiques. Voilà, Gérard. Et ben, moi, je pense que tous les deux, discuter de ça, avec d'autres sujets qu'on pourra chercher sur l'actualité, pas forcément dans l'actualité grave, sûr, mais... Oui, bien sûr. Hein, oui, sur les tempêtes, les inondations, on peut en parler un petit peu. De toute manière, la tempête, on peut encore en reparler, parce que... Attends, ça... Faut dire une chose, que on est encore bien parti pour en prendre une bonne partie. Jeudi, 23h minuit, on peut considérer et noter dans l'agenda qu'il y aura une heure consacrée à Bruno s'en lave les mains, il s'en frotte les mains. Bruno et Gérard, tous les deux, vous allez aborder des sujets d'actualité. Est-ce que vous êtes prêts à le faire tous les deux? Ah ouais, avec éventuellement la complicité de Sandy. Moi, sans problème, moi, j'aime bien Gérard. Faire un discours avec lui, ça sera super. Non, mais moi, de toute manière, moi, j'ai rien à dire. Si, t'as quand même ton point de vue, tu regardes la télé quand même. Ouais, mais d'accord. Non, mais comme disait Bruno, bon, il m'estime bien, moi aussi. Ouais. Bon, donc, il y a un bon feeling. Il fera la connaissance de Bibi. Ouais. Donc, Bibi dit Sandy. Et vous dialoguerez tous les trois sur des sujets d'actualité. Voilà. D'accord? T'es d'accord, Gérard? Ouais, sans problème. T'auras des choses à dire. De toute façon, je pense que t'as quand même des choses à dire. Tu maîtrises le sujet. Bah, tu sais bien que tous les débats, je sais les maîtriser. Non, puis tu regardes les actualités, tout ça, les infos. Pas de problème. On se donne rendez-vous. C'est pas une fiskide, hein. Et on peut d'ores et déjà dire aux auditeurs qui ont noté que les prochains débats, bon, il y en a un prochain sur le chômage qui sera, dans deux semaines. Fin novembre. Le 23. Le 23 novembre. Mmh. Et jeudi 14 décembre, c'est un débat sur les babysitters, tout ça, parce que bon. Avec Sandy, bien avec sûr. Sandy. Je croyais qu'elle était au grillade, elle fait. Et on peut déjà dire, alors que c'est pas prévu, seulement c'est toutes les trois semaines les débats, mais qu'il y en aura un dernier avant la fin de l'année, le 28 décembre, donc un jeudi, et ça sera un débat qui portera sur la délinquance. Voilà. Donc c'est t'as tout dit, donc faudra. Délinquance et prison, quoi. Tout ce qui touche les prisons, voilà, la délinquance. Comme notre ami Fildar aime bien les tolards. Non, mais toi tu connais un peu le sujet, je veux dire, tu sauras parler un peu des problèmes de jeunes et tout ça dans les bus, etc. T'as jamais fait de tôle, toi? Non, heureusement pour moi. D'accord. Merde. Ok, très bien. Merci, voilà. Bruno, à jeudi. À jeudi, je te remercie, Max, et je remercie tout le monde, mon petit Gérard, mon petit Manu. Merci, Bruno. Ma petite Anka, et puis mon petit Manu. Manu. T'as oublié le crapaud, là. Et oulala. Le crapaud de Fildar. Et puis mon petit Fildar, j'ai oublié. Mm. Alors, merci à mon petit Fildar. Merci à toi aussi, oui. Bonjour, merci. Merci à toi, Max. Et à jeudi. À jeudi. Tu me remets, donc Gérard. 23h minuit, Gérard et Bruno, on parlera d'actualité. Vous allez pouvoir laisser toutes les questions que vous avez envie qu'ils se posent et... Uniquement sur le 01 40 521 521. Exactement. Les questions, vous les laisserez exactement sur le répondeur. On va les mettre de côté et vous pourrez les poser donc via le répondeur. On les passera en direct, hein, d'accord? Donc à demain, 21h pour nous, pour une spéciale année 80 avec des invités prestigieux. Et c'est notre ami Evan qui vous accompagne jusqu'à la fin de la nuit. Evan, c'est à toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça...